village, un périple au visage. Tu sors d'un long voyage, je t'en prie sois plus sage. Mémorise cette image, comme un beau paysage. On te pleure au village, les mains sur le visage. C'est clair, la lune et la lumière dorée inscrite sur mon épaule. Boulevard Voltaire, de mon enfance dans ce village je me rappelle. Même si je vois les ombres quitter cette eau, il y a toujours un trou, et je vois la lune glisser sur cette eau qui me dit: l'île d'amour, ton pays, les seules choses qui restent derrière ce corps sec et dansant, que cache un véritable enfant qui est dans cette ville d'amour, ton pays. Les seules choses qu'il reste derrière ce corps sec et dansant, se cache un véritable enfant qui est dans cette... Serais-tu donc tenté? Allez, allez, allez, tenté, tenté, allez. Je m'entraîne dans ces rêves, remballer, allez, remballer, allez. Toute ma vie rêve encore d'un certain monde. Descendez, descendez, descendez, descendez, descendez, descendez. Tout en bas du village, un désir au visage, envie d'un long voyage. Ah oui. C'est la voix du grand sage, concrétise cette image. Dans ce beau paysage, il te rit au visage, oh les gens de ce village. C'est clair, la lune et la lumière dorée, inscrite sur mon épaule. Boulevard Voltaire, de mon enfance dans ce village je me rappelle. Même si je vois les ombres quitter cette eau, il y a toujours un trou, et je vois la lune glisser sur cette eau qui me dit: en diminuant le ça, en baissant le surmoi. Il connaît ses devoirs, il connaît tous ses droits. Il n'écoute plus ses voix, ils l'ont troublé ce soir. Et il marche, et il marche, et il marche sur ce boulevard.